Il restera toujours un doute. La pendaison précipitée de Saddam Hussein n'avait-elle pas d'abord pour objectif d'occulter une partie de la vérité sur les plus grands crimes qu'il ait commis, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme chimique contre le peuple kurde, une arme chimique qu'il avait par ailleurs déjà expérimentée contre l'ennemi iranien lors de la terrible et interminable guerre qui a opposé l'Irak au pays des ayatollahs. Il est en effet troublant de constater que Saddam Hussein a été exécuté alors même que ses juges commençaient à instruire son procès pour génocide contre les Kurdes. Un monstrueux crime contre l'humanité qui a provoqué la mort de 180 000 personnes. Certes, le procès va se poursuivre puisque le cousin de Saddam, Ali Hassan al-Majid, surnommé Ali le Chimique, et cinq autres co-accusés devront répondre de leurs actes. On évoquera donc dans le détail l'opération Al-Anfal, butin de guerre qui, en 1988, visait en principe à éliminer physiquement la rébellion kurde accusée de complicité avec l'Iran, mais qui, dans les faits, s'est traduite par une extermination massive des populations civiles. Ainsi, les magistrats s'attarderont en particulier sur le cas spécifique de la petite ville d'Alabja, 5000 Kurdes tués en quelques minutes par un bombardement au gaz moutarde. Les exécutants seront donc jugés, sans doute même condamnés eux aussi à mort et exécutés. Mais la responsabilité du principal accusé, Saddam Hussein, ne sera jamais vraiment établie, puisque dès la reprise du procès, le 8 janvier dernier, le président du tribunal a annoncé l'abandon des poursuites contre l'ancien dirigeant irakien en raison de sa mort. Pour les Kurdes, c'est une énorme frustration. Et surtout, en l'absence de Saddam Hussein, on se gardera vraisemblablement de mettre en cause tous ceux, gouvernements et industriels, qui ont permis à l'Irak d'acquérir et fabriquer ses armes de destruction massive. Monsieur X, qui a déjà souvent évoqué ces questions, revient donc sur ce sujet sensible. Un mot avant. Vous savez que l'intervention des armées de la coalition en Irak a été légitimée par deux mensonges. D'abord, la prétendue collusion entre Saddam Hussein et Ben Laden. Et puis ensuite, la présence de ces fameuses armes de destruction massive, les ADM, sur le territoire irakien. Ouais, on ne les a pas trouvées. Bah, forcément, elles n'existaient plus. Dans les années 90, les inspecteurs de l'ONU, qui ont été beaucoup plus efficaces que ne le prétendait Washington, en avaient déjà détruit un bon nombre. Et puis le reste, eh ben, c'est Saddam Hussein qui a donné l'ordre de s'en débarrasser. Et quelquefois, avant même la première guerre du Golfe. Ça mérite quand même une petite explication, ça. Bon, volontiers. Quand Saddam a compris qu'il serait inéluctablement attaqué, eh ben, il a décidé de liquider ses armes chimiques et bactériologiques. Arroser les lignes iraniennes ou les villages kurdes, c'était sans danger. Ben, il en allait peut-être autrement face à la coalition menée par les États-Unis. Oui, parce que c'était s'exposer à de terrifiantes représailles. Ben, évidemment. Mmh. Alors, maintenant, venons-en à la genèse. On a souvent dit que les armes chimiques et bactériologiques étaient la bombe atomique du pauvre. Et c'est si vrai que Saddam Hussein a pensé à se doter massivement de ces armes après la destruction par Israël des installations nucléaires irakiennes. Oui, ça, vous voulez parler du réacteur Osirak. Oui, une centrale construite en partenariat avec la France grâce aux excellents rapports noués en 1975 entre le Premier ministre Jacques Chirac et Saddam Hussein. Et puis, si vous voulez mon avis, François Mitterrand, qui a appris le bombardement israélien peu après son élection à la présidence de la République, n'a pas dû être fâché. Oui, parce que si un jour l'Irak arrivait à construire la bombe, ce serait sans la France. Et qu'on pourrait donc s'en laver les mains. Toutefois, ça n'a pas empêché notre pays de continuer à fournir à Bagdad des quantités impressionnantes d'armes conventionnelles. En même temps que l'URSS. Hein. C'est exact, oui. Donc après ce bombardement d'Irak, Saddam Hussein sait qu'il se passera bien des années avant de pouvoir se doter un jour de l'arme atomique. Et il se tourne vers la fabrication d'autres armes. Chimiques et bactériologiques, oui. Des armes qui sont par ailleurs bien moins coûteuses et dont la fabrication peut être dissimulée dans des usines censées produire des insecticides, des pesticides ou des engrais. Un subterfuge qui ne pourra pas faire longtemps illusion en Irak. Car si ces installations sont vraiment destinées à produire pour l'agriculture, pourquoi les enfouir dans des bunkers souterrains et les protéger par des batteries de missiles? Afin de faire échec à d'éventuels bombardements. J'ajoute que ces usines vont être construites au milieu d'immenses zones interdites et militarisées. En toute discrétion, donc. Oui, car les conventions internationales signées après la guerre de 14-18 à Genève interdisent l'utilisation des gaz. Malgré tout, le fait que l'Irak se lance dans la production d'armes chimiques devient vite un secret de polichinelle. Mais ça n'empêche nullement les grandes puissances de continuer à livrer à Saddam Hussein des armes conventionnelles et à passer d'importants accords commerciaux. À cause de la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein, qui a pris l'initiative de lancer son armée contre l'Iran, apparaît très vite comme étant un rempart contre le régime de l'ayatollah Khomeini. Et avant d'entrer en guerre, Saddam Hussein a même reçu un discret feu vert des États-Unis. Ça permettra à tout le monde de fermer les yeux. Mais pourquoi, enfin, quand même, cette attitude des États-Unis vis-à-vis d'un pays qui a longtemps flirté avec les Soviétiques, hein? Le pétrole, évidemment. Le président Carter l'a dit sans embâche dès 1980. Si un pays, et il voulait naturellement parler de l'Iran, s'avisait de vouloir s'assurer la maîtrise du golfe Persique, les États-Unis considéreraient qu'il s'agit d'une attaque contre leurs intérêts vitaux. Comprenez les approvisionnements en pétrole. Donc d'emblée, les Américains se rangent du côté irakien. Sans aucun doute. Il faut d'ailleurs noter que l'Irak, longtemps rangé par Washington dans la liste des pays terroristes, en sort dès 1982 et bénéficie dès lors de garanties financières de plusieurs centaines de millions de dollars pour sa politique agricole. Ouais, alors des dollars qui servent peut-être aussi à la production d'armes chimiques. Ben, pourquoi pas. En tout cas, Saddam Hussein est désormais quelqu'un de très fréquentable. Et quant au tout début des années 80, l'armée irakienne, contre toute attente, se trouve en difficulté sur le front, les Occidentaux viennent au secours de Saddam Hussein. La France, en particulier, va même prêter quelques-uns de ses avions de combat, des super-étendards. Et les Américains, eux, vont mettre à la disposition des généraux irakiens des photos satellites, des positions de l'armée et des installations pétrolières iraniennes. Ouais. Donc, ben ça va très loin. Hein. Et pourtant, personne ne peut ignorer qu'au même moment, Saddam Hussein est en train d'édifier un formidable arsenal d'armes de destruction massive, tant chimiques que bactériologiques. Les Occidentaux peuvent d'autant moins l'ignorer qu'ils fourniront à l'Irak des souches de maladies très contagieuses et mortelles, telles la peste, la maladie du charbon et des toxines de botulisme. Mais officiellement, il ne s'agissait que d'échanges scientifiques. Oui, c'est un peu cousu de fil blanc, non? Mais on peut peut-être le penser, oui. Bravo, quand même. Un mot peut-être sur ces armes terrifiantes. Alors, écoutez, je ne vais quand même pas vous faire un cours de chimie, mais sachez quand même qu'elles sont classées en plusieurs groupes en fonction des effets qu'elles produisent. Oui, soyez un peu plus précis quand même. Bah, il y a d'abord ce qu'on appelle les vésicants. Le plus connu d'entre eux est le gaz moutarde. Ouais, celui qui a été utilisé pendant la Grande Guerre. D'abord à Ypres, oui. Et c'est pourquoi on le nomme aussi hyperite. Il provoque sur la peau humaine des brûlures et attaque ensuite les yeux et le système respiratoire. Ouais, il peut tuer. Évidemment. Beaucoup de poilus en sont morts et d'autres qui l'ont respiré ont été handicapés à vie. Autre groupe, les asphyxiants. Ce sont les gaz comme l'acide cyanhydrique qui ont été utilisés par les nazis dans les camps d'extermination. On trouve aussi les suffocants, des substances souvent à base de chlore qui détruisent les voies respiratoires. Et enfin, dernier groupe, les neurotoxiques, proches de certains insecticides. Vous en connaissez au moins le nom de l'un d'entre eux, le sarin. Oui, c'est le gaz qui a été utilisé dans le métro de Tokyo par la secte Aum. C'est ça. Ils attaquent le système nerveux et sont d'autant plus dangereux qu'ils sont inodores. Il y en a un parmi eux qui est appelé le VX, dont une seule et minuscule gouttelette peut tuer un homme. Il faut ajouter que les scientifiques qui ont conçu ces gaz de combat ont aussi songé à fabriquer des cocktails. Oui, des mélanges. Exactement, afin d'accroître l'efficacité de ces armes de mort. Des cocktails qui ont d'ailleurs été testés en grandeur nature par les sbires de Saddam Hussein. Ouais, sur des hommes, vous voulez dire? Sur des cobayes, des prisonniers, par exemple. On en a la preuve, quoi qu'il en soit. C'est donc après la destruction du réacteur au Sirac que Saddam Hussein a lancé son programme d'armes chimiques et l'un de ses généraux, Amer Wadi al-Saadi, a reçu plein pouvoir et des crédits illimités pour le mettre en œuvre. Une mission qui devait forcément demeurer ultra secrète. Mais attendez, d'autres pays fabriquent ou ont fabriqué aussi des gaz de combat? Ah bah, toutes les grandes puissances et également Israël, bien entendu, sous le prétexte parfaitement hypocrite de chercher des antidotes. Et je suis sûr qu'il existe encore de par le monde des stocks qui n'ont pas été détruits. Mais à l'exception de l'agent jaune, dont des quantités incroyables ont été déversées au Vietnam par les Américains, aucun pays, à ma connaissance, n'a utilisé militairement des gaz sur un champ de bataille depuis la convention de 1925. Sauf Saddam Hussein. Ouais. Et encore, faut-il observer, à la décharge des États-Unis, que l'agent jaune n'était pas un gaz de combat, mais un défoliant. Bon, peut-être, mais ce produit à base de dioxine est aussi un produit très dangereux pour l'homme. Un terrible poison. Et les Vietnamiens continuent à en payer le prix. Mais est-ce qu'en face, enfin, lors de la guerre, là, l'Iran-Irak, les Iraniens possédaient eux aussi des armes chimiques? C'est probable. Et peut-être en ont-ils utilisé. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, il revient à Saddam Hussein d'avoir été une sorte de précurseur dans ce sinistre domaine. Mais revenons à la mission de ce général. Voilà, Al-Sali. Oui, oui. Pour réussir, il lui fallait trouver hors d'Irak des chimistes et aussi d'énormes quantités de produits chimiques. Des produits qui permettaient de fabriquer ces gaz mortels et qui, obligatoirement, faisaient l'objet de surveillance, là où on les fabriquait. Et après avoir essuyé quelques refus aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Italie, ce général s'est tourné vers le pays qui avait déjà, malheureusement, une certaine expérience dans ce domaine. L'Allemagne. Oui, oui. L'Allemagne de l'Ouest, où il existait quelques patrons nostalgiques du Troisième Reich, qui ne demandaient pas mieux que de venir en aide à un pays arabe, entreprenant et désireux de fabriquer des gaz susceptibles d'être un jour utilisés contre l'État hébreu. Le lobby de la mort. Tel est le titre d'un livre du journaliste Kenneth Timmerman, un ancien otage au Liban devenu l'un des meilleurs spécialistes des transferts de technologie dans le monde. Dans cet ouvrage très documenté, publié en 1991, Timmerman explique comment et pourquoi l'Occident a armé l'Irak. Et il met en lumière la coopération d'un certain nombre d'industriels ouest-allemands avec le régime de Saddam Hussein, je le cite. 40 ans. Après l'Holocauste, on trouvait encore des partenaires compréhensifs prêts à aider l'Irak à détruire Israël. C'était le cas d'Anton Eyerle, directeur de la société de construction Rhein Bavaria. Pour Eyerle, qui commençait à travailler pour l'Irak à l'âge de 57 ans, Saddam Hussein était un homme fort pour qui ça valait la peine de se battre. Les Irakiens étaient des gens qui avaient du caractère. Dans son bureau de Kaufbeuren, en Bavière, il avait gardé un vieux poste de radio du temps du Troisième Reich qu'il avait modifié pour écouter les enregistrements des discours d'Adolf Hitler comme il les avait entendus dans les années 40. Et Hurle avait servi dans la Luftwaffe de Göring au cours d'une interview à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel du 4 février 1991. Il expliqua son enthousiasme pour le dictateur irakien. C'était comme dans ma jeunesse. Ce n'est donc pas par hasard si Al-Saadi commande la construction de la première usine chimique à une société ouest-allemande. Ouais, alors qui et où? La société allemande s'appelle Thyssen-Rhenstahl et l'implantation est prévue à une trentaine de kilomètres au sud de Bagdad. Là où, dès le début des années 70, le régime avait justement prévu de construire une usine de fabrication de pesticides. Ah, et alors, et des pesticides au gaz mortel, il n'y a qu'un pas. En effet. Ce sont souvent les mêmes composants qui sont utilisés. Mais est-ce que les Allemands là, savent qu'ils vont construire une usine destinée à produire des armes chimiques? Je vais y venir. Officiellement, il s'agit de l'édification d'une université. Et à l'intérieur de cette université, d'un laboratoire chimique. Un camouflage. Certainement. Et le cahier des charges prévoit que dans ces bâtiments, on puisse traiter les substances les plus dangereuses. Et en particulier, les organophosphorés. C'est-à-dire des produits avec lesquels il est possible de générer des neurotoxiques comme le sarin ou le tabac. Et les ingénieurs allemands, là, ne se doutent de rien? En principe, non. Non. La surveillance étroite dont ils sont l'objet n'éveille même pas leur curiosité. Ni même l'installation sur le site de batteries de missiles solaires. Ouais, tout ça, c'est difficile à croire. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais la direction de la Thyssen jouera l'innocence jusqu'au bout. Toutefois, les Irakiens ne voulaient pas en rester là et ils décidèrent la construction d'une autre usine à Samara, près de Tikrit. Tikrit, le fief de Saddam Hussein et de son clan. Oui, c'est ça. Ouais. Et il est de nouveau fait appel à une entreprise allemande, la Karl Kolb, dont le principal actionnaire est un certain Klaus Franz, un homme qui avait nourri autrefois des sympathies certaines pour le régime nazi. Grâce à toute une série de sous-traitants et de sociétés écrans, la Kolb a installé la plus grande usine de production d'armes chimiques au monde. sur un site de plusieurs dizaines de kilomètres carrés étroitement surveillé. Les Allemands ont édifié des bunkers et des silos souterrains qui devaient être capables de résister à un bombardement aérien. Donc il leur était impossible d'ignorer ce qu'ils faisaient. Et la vraie question est celle-ci. Que savaient exactement les autorités fédérales? Car la construction d'un aussi vaste complexe et la participation de techniciens allemands ne pouvaient pas passer inaperçus. Et puis, il fallait alimenter les chaînes de production des poisons. Et donc, importer des quantités considérables de produits chimiques pour les fabriquer. Des produits dont le commerce, je l'imagine, devait être très surveillé. Ah, naturellement. Malgré tout, les Irakiens ont réussi à vaincre tous les obstacles et à persuader plus de 200 entreprises occidentales de leur livrer ces substances chimiques. En trichant ? Bien sûr. Et avec la complicité de certains États. Il ne pouvait pas en être autrement. Saddam Hussein a donc pu se constituer un énorme arsenal. Oui, des milliers de tonnes de gaz mortel. Et comme pour le dictateur irakien, ces armes n'étaient pas seulement destinées à être stockées, il est passé à l'action. Alors quand ? La première utilisation massive a eu lieu au début 1984. Grâce à une attaque surprise, les Iraniens venaient de se rendre maîtres de deux îles particulièrement stratégiques au nord de Bassora, c'est-à-dire dans une zone très riche en pétrole. Les Irakiens ont d'abord riposté avec des armes classiques, mais ils n'ont pas réussi à reprendre les îles. Alors, Saddam Hussein a décidé l'emploi de l'arme chimique. C'est-à-dire des obus chargés d'armes chimiques ? Non. Pour cette première expérimentation massive, ce sont des hélicoptères qui ont déversé sur les lignes ennemies des gaz liquéfiés. Les effets ont été terrifiants. Et cela a encouragé le commandement irakien à utiliser à nouveau les gaz sur d'autres secteurs du front. Alors même que le secrétaire d'État adjoint américain Richard Murphy, en visite à Bagdad, venait négocier le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a été mis au courant ? Rapidement, car les Iraniens n'ont pas tardé à dénoncer cette violation de la Convention de Genève. Ouais, leur résultat ? Murphy a protesté énergiquement, en vain, car les Irakiens ont exercé une sorte de chantage. Si vous ne nous soutenez pas, nous nous tournons du côté de l'URSS. Et c'est ainsi que, malgré l'utilisation des gaz par Saddam Hussein, les relations diplomatiques entre l'Irak et les États-Unis ont été rétablies quelques mois plus tard. Et il s'est même trouvé un universitaire états-unien pour estimer que les armes chimiques étaient essentiellement destinées à briser le moral de l'ennemi. Ah ben, au fond, si elle tuait, c'était en plus. Bah voilà. D'ailleurs, plusieurs spécialistes militaires avaient observé que le rendement de ces armes était assez peu satisfaisant. Elle ne tuait que 20% des soldats ennemis. C'est horrible ce mouvement là. Ah mais c'est réaliste, que voulez-vous. Et les Irakiens ne vont pas tarder à prendre en compte ce diagnostic. En 1985, bombardant des centaines de villages iraniens, ils ont perfectionné leurs obus chimiques ayant ajouté de l'acide cyanhydrique. Ouais, c'est le gaz des nazis ça. Toujours fabriqué par une firme allemande. Oui. Et l'opinion internationale ne réagit pas. Très peu. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Mais, si j'ose dire, Saddam Hussein jouit d'une sorte d'impunité. Oui, parce qu'il combat l'Iran, c'est exactement. Ça. Exactement. Hein. L'Iran qui prône un islam radical et qui a déclaré une guerre larvée à l'Occident. Attentats, prise d'otages, etc. L'Iran n'est donc guère populaire et inquiète. Le risque aussi de contagion islamiste. Et incontestablement, Saddam Hussein en profite de façon cynique. Pour l'opinion occidentale, l'Irak laïque demeure un rempart contre l'obscurantisme des islamistes. Et par conséquent, on ne veut pas savoir, on ne cherche pas à savoir. Oui, on accorde foi aux mensonges des Saddam Hussein. Lorsque les Iraniens présentent publiquement des victimes des gaz irakiens, Bagdad prétend que ces gens ont été blessés chez eux lors de l'explosion d'une usine chimique. Ça marche ? Tout à fait. Entre Khamenei et Saddam Hussein, l'opinion a choisi mieux. Grâce à sa collaboration avec des firmes néerlandaises et allemandes, l'Irak a même accéléré sa production de gaz mortel. Et quand, soumis à des pressions des États-Unis, le gouvernement fédéral allemand s'est décidé à limiter et même arrêter les exportations de produits chimiques sensibles, une des sociétés mises en cause, cette Karl Kolb, dont je vous ai parlé, a attaqué en justice. Et elle a gagné. Alors, les exportations ont pu continuer. Et la production a augmenté. Il faut aussi souligner que lorsqu'un gouvernement européen essayait d'entraver ce commerce, il faisait l'objet de menaces très claires. Des menaces de quel ordre ? Oh, des menaces commerciales. Il ne faut pas oublier que grâce à son pétrole, l'Irak était riche et avait la réputation de payer rubis sur l'ongle. Ah, alors, un excellent client qu'il ne fallait pas fâcher. Alors, Pour résumer, la communauté internationale savait que Saddam Hussein violait les lois de la guerre en utilisant des gaz, mais personne ne lui en faisait grief pour des raisons politiques et commerciales. En effet, telle est la vérité, et le dictateur irakien va bientôt franchir une nouvelle étape en employant cette arme terrifiante contre son propre peuple. Le grand journaliste Jonathan Randall a contribué à la rédaction du livre noir de Saddam Hussein avec un article sur ce qu'il appelle les relations ambiguës entre les États-Unis et l'Irak. J'en extrais ces quelques lignes qui traitent d'abord du déclenchement de la guerre Iran-Irak. Washington se mit alors à considérer la survie de l'Irak comme essentielle, au point de fermer les yeux sur le triste record de Saddam Hussein concernant le nombre de violations des droits de l'homme. Fut aussi ignorée son utilisation de l'arme chimique et biologique contre les troupes iraniennes et les Kurdes. Voulant délibérément faire montre de bonne volonté, le président Ronald Reagan envoya son émissaire personnel, Donald Rumsfeld, serrer la main de Saddam en décembre 1983. Il n'en reste pas moins que les États-Unis furent lents à rejoindre les pays qui soutenaient ouvertement l'Irak, la France, le monde arabe, à l'exception notable de la Syrie, et l'Union soviétique. La France fournit des missiles Exocet Hermer, des Mirage F1 et surtout des avions super-étendards pour bombarder les pétroliers iraniens, dans l'espoir de forcer Khomeini à mettre fin à sa guerre sainte. Les Arabes donnèrent des dizaines de milliards de dollars qui permirent à Bagdad d'acheter encore plus d'armes et de fournir aux Irakiens la nourriture, les voitures et les produits d'importation destinés à empêcher que le mécontentement de l'arrière ne se retournât contre Saddam et contre la guerre qu'il n'arrivait pas à gagner. Car ce fut bien là l'un des paradoxes les plus étranges de la guerre froide. Les États-Unis et leur ennemi juré l'Union soviétique se retrouvèrent du même côté, déterminés à empêcher la propagation de la révolution iranienne. Le nom de code de l'opération était Al-Anfal. Ce qui veut dire hein? Je crois que c'est un mot arabe tiré d'une sourate du Coran et qui signifie butin de guerre. Ah, butin de guerre. Et cette opération hein? Il s'agissait d'en finir avec la question kurde. Quand je dis finir, je pèse mes mots. Car Saddam Hussein voulait régler une fois pour toutes le problème en anéantissant les Kurdes irakiens qui ne cessaient de réclamer leur indépendance ou au moins leur autonomie. Ah, et qui combattaient depuis longtemps, hein, les Irakiens, les armes à la main. Une guérilla, oui, ou plutôt deux, car les Kurdes étaient divisés. En tout cas, si je vous ai compris, là, Saddam Hussein voulait procéder à un véritable génocide. Ah, la solution finale, oui. Et Saddam Hussein a confié la conception et la réalisation de l'opération Al-Anfal à l'un de ses parents, Ali Hassan Al-Majid, plus connu désormais sous le nom d'Ali le Chimique. Un général qui a d'abord été déclaré mort et qui a finalement été capturé par les Américains. Hein. Ouais, c'était en effet le cinquième dirigeant irakien le plus recherché. Et son procès est en cours. Ouais, devant le même tribunal qui a condamné Saddam Hussein à la peine de mort. Hein. Ouais. Al-Anfal commence en 1987 et va durer 2 ans. 2 ans au cours desquels 180 000 Kurdes vont périr. C'est pourquoi vous avez raison de parler de génocide. Al-Majid est donc nommé en 1987. Saddam Hussein lui donne tous les pouvoirs civils et militaires sur le nord de l'Irak, c'est-à-dire les régions où vivent les Kurdes. Ah, c'est une sorte pas de proconsul. Oui, chargé non seulement d'éradiquer les rébellions, mais aussi de se débarrasser du maximum de Kurdes. Et à peine nommé, il définit un certain nombre de zones interdites. Ouais. Interdites aux Kurdes. Et où les militaires reçoivent l'ordre de tirer à vue sur tout homme s'y trouvant. L'armée est aussi chargée de bombarder aveuglément les localités se trouvant dans ces zones. Les ordres sont clairs. Il faut provoquer le plus possible de victimes kurdes. Un enregistrement a été présenté récemment au tribunal. Hein, et on y entend, je crois, la voix de Saddam Hussein qui déclare, en parlant de l'arme chimique, je crois me souvenir, « Il vaut mieux l'utiliser dans des zones peuplées afin d'y faire le maximum de dégâts. » Et en effet, très vite, les gaz sont utilisés. D'abord sur 2 villages kurdes, où il provoque la mort de dizaines de personnes, surtout des femmes et des enfants. Assez cyniquement, ces 2 premières expériences ont été filmées. Pourquoi ? Pour évaluer le rendement de ces attaques, comme vous disiez tout à l'heure ? Non, je ne faisais que reprendre le jargon militaire, mais bref. Ces enregistrements ont été retrouvés, et d'ailleurs, lors de la reprise du procès le 8 janvier dernier, Une partie d'entre eux ont commencé à être divulgués. Et il ne fait nul doute qu'ils pèseront très lourd dans le dossier de l'accusation. Quoi qu'il en soit, cette politique de terreur provoque l'exil de nombreux Kurdes vers l'Iran. Chez l'ennemi, donc. Oui, un ennemi qui pourtant n'a guère été tendre avec ses propres Kurdes. Mais l'ennemi de mon ennemi peut être à l'occasion mon ami. Et l'Iran accueille les Kurdes irakiens. Certains gazés seront même soignés en Iran, tandis que la politique d'épuration ethnique se poursuit dans le Kurdistan. Avec son cortège d'horreur, ce sont surtout les villages de montagne, difficilement accessibles, qui subissent les bombardements chimiques. Mm-hmm. Alors, lorsque la guerre Irak-Iran se termine en 88, c'est ça? En juillet, exactement. Mm-hmm. Eh bien, pour les Kurdes, c'est dramatique. Parce que les dirigeants irakiens ont désormais les mains libres, si vous me permettez cette expression. Mais parce qu'ils n'ont plus à combattre les Iraniens. Et oui, et puis qu'ils vont pouvoir se consacrer encore plus efficacement à la question kurde. Et ils considéreront, en 1989, que le problème est réglé. Et de quelle façon? 4000 villages ont été détruits. Et je vous l'ai dit, des dizaines de milliers de Kurdes ont été exterminés. Le terrible allyl chimique peut être récompensé et appelé à d'autres fonctions. Mais je voudrais revenir sur un événement dramatique qui s'est déroulé quelques mois avant la fin de la longue guerre Irak-Iran. En mars 88, très précisément. Un des pires crimes que Saddam Hussein ait commis. Voilà, encore un autre bombardement chimique? Oui, celui de la localité d'Al-Abja, une petite ville qui se trouve pas très loin de la frontière iranienne. Au moment des faits, elle comptait une soixantaine de milliers d'habitants, car beaucoup de Kurdes des campagnes alentour étaient venus s'y réfugier. Al-Abja, connue autrefois pour sa douceur de vivre, avait déjà plusieurs fois eu affaire aux exactions de la soldatesque irakienne. Elle avait aussi, pour son malheur, le fait d'être proche, trop proche de la frontière et donc de la ligne de front entre les deux armées. Ouais, elle était dans le cœur du brasier, quoi. Et les deux camps se disputaient sa possession. À la fin de l'hiver 87-88, Al-Abja est assiégée par les troupes iraniennes qui contrôlent déjà les montagnes environnantes. Et à l'occasion de la défection du commandant irakien, les Iraniens, accompagnés par des centaines de Peshmerga... Peshmerga, c'est les guerrilleros kurdes. Oui, oui, donc ces forces s'emparent d'Al-Abja. Et les soldats irakiens qui s'enfuient subissent de sévères pertes. Mais le 16 mars, c'est le drame. Des avions irakiens effectuent plusieurs raids de bombardement au-dessus de la ville. Mais il ne s'agit pas de bombes conventionnelles, non. Ce sont des bombes chimiques qui sont déversées sur Al-Abja. Et des milliers de Kurdes meurent presque aussitôt comme foudroyés. D'autres se précipitent dans des abris, mais ils sont rattrapés par les gaz toxiques. Pourquoi? Parce que ces gaz-là restent au niveau du sol? Eh oui, et seuls survivront ceux qui ont réussi à gagner à temps les hauteurs. Et notez bien que le martyre d'Al-Abja n'est pas terminé pour autant. Fin 1988, c'est-à-dire après la fin de la guerre avec l'Iran, des tanks irakiens reviendront et des soldats dynamiteront systématiquement les maisons de la ville. Et cela malgré la réprobation internationale qui a suivi quand même ce gazage massif. Oui, oui, mais enfin une réprobation qu'il faut nuancer. Les Scandinaves, les Canadiens ou les Australiens condamnent Saddam Hussein. Mais les grandes puissances qui commercent avec l'Irak sont beaucoup plus prudentes. Ici, je ne veux pas faire d'anti-américanisme, car nous, Français, avons été les marchands d'armes les plus actifs en Irak. Mais il faut quand même remarquer que tout juste quelques mois après la tuerie de Al-Abja, le géant états-unien Bechtel a signé un énorme contrat commercial avec un gendre de Saddam Hussein. Il y en avait quand même pour $1 milliard. Ah ouais. Et Bechtel, qui est avec Halliburton, un des meilleurs soutiens financiers des républicains américains. Oui, hein. Très proche du clan Bush. Ouais. Mais il y a encore plus grave. Alors que pour les observateurs et les témoins les plus sérieux, la culpabilité des Irakiens à Al-Abja ne fait aucun doute, il se développe, en particulier aux États-Unis, une campagne insidieuse qui vise à accuser l'Iran d'avoir bombardé à Al-Abja avec des armes chimiques. Ah, alors une vraie campagne négationniste. Tout à fait. Et l'administration états-unienne n'a pas été innocente dans cette affaire, que voulez-vous. Saddam Hussein était encore respectable. Mais il ne le restera pas longtemps. Hein. En effet. Puisqu'il envahira le Koweït 2 ans plus tard. Autre chose tout aussi gravissime. Malgré les rapports d'experts mandatés à Al-Abja par l'ONU en août 88, la sous-commission des droits de l'homme de l'organisation a estimé par 11 voix contre 8 qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Irak. Toutefois, un sénateur états-unien sauve l'honneur de son pays en rédigeant un rapport terriblement accusateur et précis sur Saddam Hussein. Oui, mais avec quel résultat? En dépit d'une approbation quasi unanime du Sénat, le rapport sera enterré par l'administration Reagan. Et en France, alors ? Voilà, nous avons fait preuve d'une formidable hypocrisie. C'est-à-dire ? Le gouvernement français s'est contenté de condamner l'utilisation des armes chimiques où que ce soit. Donc sans accuser explicitement l'Irak. Et quelques mois plus tard, à l'occasion d'une conférence tenue à Paris sur l'interdiction des armes chimiques, notre gouvernement s'engagera auprès du ministre irakien des Affaires étrangères, Tariq Aziz, à ne pas citer Bagdad dans le communiqué final. Et pourtant, la France sera partie prenante de la coalition anti-Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe. Et l'opération Tempête du désert, oui. Bon. Mais vous le savez, les Kurdes n'en auront pas fini avec les exactions irakiennes, puisque justement, après cette première guerre du Golfe, les alliés laisseront Saddam Hussein massacrer les Kurdes au nord et les chiites au sud. Jusqu'à ce que de grandes voix s'élèvent. Dont celle de Daniel Mitterrand et Bernard Kouchner, qui iront sur place et dénonceront cette vague de terreur. Il en résultera la création par les alliés d'une zone d'exclusion aérienne. Au nord, mais aussi au sud, il faut aussi observer que les populations kurdes souffrent toujours des séquelles de ces bombardements chimiques massifs au cours desquels 100 000 munitions ont été tirées. Les sols, les eaux sont encore contaminés. Et cette contamination a engendré des maladies chroniques et des malformations de fœtus. Toujours aujourd'hui ? Oui. Alors, reconnaissez que si Saddam Hussein était toujours vivant, une justice vraiment indépendante aurait eu beaucoup de questions à lui poser. Et inévitablement, ceux qui ont été ses complices objectifs auraient eu à répondre de leurs agissements et de leur aveuglement. Pour terminer, je vous propose un témoignage, celui d'un jeune homme d'Al-Abja qui est aujourd'hui médecin. Son récit a été recueilli par Marie Jégot et publié dans un article du Monde paru en novembre 2002. Et en voici un extrait. Nous avions de la famille chez les combattants. Ils nous ont conseillé de fuir sans attendre les représailles de Bagdad. Nous avons donc pris le chemin de Bawa Koshalk, un village sur une colline proche de Al-Abja. De là, j'ai tout vu. Toute la matinée, les bombardiers irakiens ont pilonné la ville sans relâche. Les gens étaient dans des abris. Aux environs de 14 heures, les avions sont revenus, mais cette fois-ci, les bombes larguées des sortes de bidons ne faisaient aucun bruit. C'était étrange, aussi étrange que l'odeur qui s'est dégagée ce jour-là et les jours suivants, une odeur de pommes et d'ail pourri. De loin, j'ai vu des animaux qui gisaient à terre, puis des gens qui sortaient des abris. Ils marchaient, puis tombaient comme tombent les feuilles des arbres en automne. Plus tard, profitant d'une accalmie, la population a cherché à fuir vers les villages avoisinants, mais à 20h, les avions sont revenus. Ils ont à nouveau largué des substances chimiques aux alentours, sur les fuyards. Nous, nous étions dans notre abri au village, sur la colline. Nous avons mis des mouchoirs sur nos visages et nous avons attendu la mort.